إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 90 dans l'explication du Kitab al-Tawhid, le sharh du petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, Qurrat Uyun al-Muwahidin, ainsi qu'avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala. Donc on est arrivé dans le chapitre, c'est le chapitre 9. Babun man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima. Donc ça c'est le titre. Le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit yani ka buq'atin wa qabrin wa mashhadin wa nahw dhalik wa man yani ismu shartin wal jawab mahdhuf wa taqdiruhu faqad ashraka billah. Donc le cheikh il explique que le chapitre il parle de ceux qui cherchent la bénédiction à partir d'un arbre ou d'une pierre ou des choses semblables. Et le cheikh Abdurrahman, il dit, comme par exemple un lieu, une tombe, ou un endroit qui est construit sur une tombe, une mausolée ou des choses de ce genre. Et quand on dit ici, man tabarraka, il dit man ismu shart. Donc il dit en arabe, ismu shart, ça veut dire un nom qui indique qu'il y a une condition et la réponse à cette condition-là, hein, c'est sous-entendu, parce qu'il est, il n'est pas mentionné, il est mahzouf. Et taqdiruhu, c'est-à-dire son sens sous-entendu, c'est que celui qui fait ça, il a fait le shirk avec Allah. Donc on était rendu à expliquer al-mashhad. Donc le shaykh, il dit qabrun min al-qubur. On a expliqué que yani qabur al-salihin wa l'awliya yaquluna annaha يقولون أن أنهم يشفعون وينفعون ويدفعون الضرر مثل قبر البدوي وقبر فلان وقبر فلان فيعني فيها وفيها يعني وهذا كله باطل باطل عبادات لغير الله والمشاهد جمع مشهد هي نفس المباني التي تكون على القبور ويسمونها مشاهد. Donc les tombes ou les tombeaux des hommes pieux ou des saints, ils disent, c'est-à-dire qui est-ce qui dit ça? C'est les gens de Bid'a, les soufis, les mouchriquins. Ils disent que ces tombes, dans ces tombes-là, il y a des êtres qui sont vertueux, qui sont pieux ou qui sont des saints et qui peuvent donc, par conséquent, à cause de leur piété, intercéder pour nous, nous profiter ou repousser un mal. Donc ça, c'est clair que c'est du shirk. Et il donne comme exemple la tombe d'un des saints en Égypte qui est adoré, hein, Al-Badawi, qui est d'origine du Maghreb et qui est parti en Égypte. Et les gens là-bas l'ont pris comme un wali, hein, un soufi, et ils en ont fait un saint. Et ils ont pris sa tombe comme un lieu d'adoration. Et c'est dans la ville de Tanta, dans la ville de Tanta. Et chaque année, il y a des millions de gens qui vont faire des pèlerinages à cette tombe et offrir à cet homme des sacrifices et faire des tawaf, hein, autour de sa tombe. Des millions de personnes. Donc ça, c'est du shirk évident et clair. Et il y a également d'autres saints ou d'autres personnes qui sont considérées comme étant des saints dans la plupart des villages et des villes en Égypte et dans l'Afrique, hein, en Afrique du Nord et dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Il y en a partout dans les pays musulmans, même au Moyen-Orient, en Asie. On retrouve ce genre de pratique d'adorer le culte des morts, le culte des saints. C'est quelque chose qui est courant et ça vient bien entendu de la djahiliya. Ça vient de la djahiliya. Parce que si vous regardez dans d'autres peuples, dans différentes cultures dans le monde, des différentes religions, ils ont qu'est-ce qu'on appelle le culte des ancêtres, le culte des morts, hein, et ils prient à leurs ancêtres et ils adorent leurs ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qui existe et c'est une forme de shirk qui est répandue partout dans le monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs. Et les peuples qui ont accepté l'islam, hein, parmi les peuples qui ont accepté l'islam, il y en a qui avaient justement des restants de leur djahiliya. Ils ont voulu islamiser ces pratiques de bid'a, de shirk qu'ils avaient avant l'islam et en faire des pratiques islamiques. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on retrouve ces pratiques-là pratiquées au nom de l'islam, alors qu'elles n'ont rien à voir avec l'islam. Non seulement qu'elles n'ont rien à voir avec l'islam, elles opposent le fondement le plus important et le plus principal de la religion musulmane, qui est le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah dans l'adoration. Donc c'est une pratique qui est courante malheureusement, mais qui est extrêmement grave et extrêmement dangereuse. Et qu'est-ce qui est plus grave encore, c'est qu'il y a des gens, parmi les gens qui se disent être des ulama ou qui prétendent posséder de la connaissance et qui supportent et qui défendent avec acharnement la pratique de ces formes de shirk et qui vont même jusqu'à condamner et critiquer et faire le takfir de ceux qui sont contre ces formes de shirk-là. Hein? Et donc, ils appellent ceux qui interdisent ça des wahhabiyya. Ils disent, ah, ça c'est des wahhabiyya, hein? C'est des kuffars, hein? C'est des khawarij, ils font le takfir de ceux qui font le shirk. Comme si faire le takfir de ceux qui font le shirk, c'était quelque chose qui pouvait être considéré comme faisant partie de la voie des khawarij. Puisqu'on sait très bien que les khawarij, ils font le takfir de ce qui est un péché et non pas de ce qui est shirk akbar ou d'un kufr akbar. À la kulli hal, on voit ce genre d'égarement et ce genre d'attitude, de pratique dans beaucoup de pays musulmans. Hein? Et il dit le cheikh que toutes ces choses-là, ces pratiques-là, sont des pratiques qui sont fausses, c'est des adorations qui sont offertes à autre que Allah, et par conséquent, c'est du shirk. Et les endroits où il y a ces tombes qui ont été bâties il y a des mausolées ou des lieux de culte ou des mosquées qui ont été bâties sur ces tombes, et ils appellent ces endroits-là, hein, un mashhad, qui est le pluriel, c'est mashahid. Et ils prétendent souvent que c'est des lieux qui sont des lieux d'adoration comme les mosquées. Mosquée, c'est masjid, et le pluriel, c'est masajid en arabe. Et le mot qu'eux, ils emploient pour désigner les mosquées construites sur les tombes, ils appellent ça des mashahid. Et ils prétendent que la prière dans les mashahid est meilleure, hein, et plus exaucée que les prières dans les masajid. Hein? Allahul Musta'an. Donc ça, c'est un exemple de bid'a encore une fois. Ensuite, en ce qui concerne le titre, comme on a expliqué, qu'il y a quelque chose qui a été sous-entendu, qui n'est pas mentionné. Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit Babun man tabarraka bi shajaratin, yani man tabarraka, yani bi shajaratin, aina jawabu shart man, muqaddar taqdiruhu, faqad ashrak. Lakin lam yusarrih bihi al-mu'allif, li'annahu yufhamu min al-adillati allati saqaha. Donc le Cheikh, il dit pourquoi l'auteur, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'a pas mis la réponse de la condition Amen, hein, celui qui fait le qui cherche la bénédiction d'un arbre ou d'une pierre ou chose semblable. La phrase, c'est comme si la phrase, elle n'est pas complète. Parce que si tu dis le chapitre au sujet de celui qui cherche la bénédiction des arbres et des pierres ou des choses semblables. Ok, qu'est-ce qui arrive avec cette personne? C'est quoi, qu'est-ce qu'on dit de cette personne? C'est quoi le jugement sur cette personne? Le cheikh, il ne l'a pas mentionné. La raison pourquoi il ne l'a pas mentionné, c'est parce que le jugement qui en découle n'est pas explicite. Il dit que c'est un jugement qui est déduit à partir des preuves. C'est des choses qu'on peut comprendre à partir des preuves, mais ce n'est pas quelque chose qui est mentionné explicitement dans les versets ou dans les hadiths eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il ne l'a pas mentionné. Parce que quand il mentionne que quelque chose est shirk, c'est lorsqu'il y a une mention de ça qui est explicite et claire. N'empêche qu'il n'y a pas de doute sur le fait que cette chose-là est shirk, puisque c'est supporté par plusieurs preuves que le cheikh a mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, et on va les analyser, on va les voir ensemble, ces preuves-là. Hein? Et déjà, on les a lues au premier cours, quand on a fait la première le verset et le hadith qui ont été mentionnés sur ce sujet-là, et on va les expliquer maintenant. Le cheikh, il explique la première preuve, c'est le verset dans Surat An-Najm, le verset 19, jusqu'à 23. Ok, et dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal, il dit: Afara'aytum al-Lata wal-Uzza wa Manat al-Thalithata al-Ukhra alakum al-Dhakar wa lahu al-Untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwa al-anfus وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Donc ça, c'est le verset en question. Et on va lire la traduction pour comprendre un peu le contexte et de quoi ce verset-là parle. Et ça va nous aider à comprendre justement le jugement ou le verdict de ce de quoi on est en train de parler. Et on va comprendre pourquoi le cheikh, il a déduit ce jugement-là à partir de ces versets. Donc, le verset 19 dans Surat An-Najm, que vous en semble des divinités? N'avez-vous pas vu les divinités Al-Lat ou Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, la troisième des divinités de Quraysh, parmi leurs grandes idoles? Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Parce que les noms des divinités des mouchriquines sont toutes au féminin. Al-Lat, Al-Uzza, Manat, ce sont des noms féminins. Donc il dit, serait-ce que yani, à vous les garçons et à lui la fille et à lui les filles? C'est-à-dire comme si en voulant dire que Allah Azza wa Jal vous lui attribuez des filles, alors que vous n'acceptez pas qu'on vous attribue des filles. Donc vous voulez que des garçons, mais vous attribuez à Allah des filles. Serait-ce à vous donc le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste? Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Donc ça, c'est les versets qui sont mentionnés par rapport à ce verset-là, c'est-à-dire c'est la signification. Et le cheikh, il va faire le tafsir de ces versets-là. Il dit « Al-Ayat » يعني هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز. اللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب، والعزة لقريش وبني كنانة ومنات لبني هلال قال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة يعني منات كانت لبني هلال قال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة واللات يعني بتخفيف التاء في قراءة الجمهور وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء يعني فعلى الأولى قال عماش قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون بها وعلى من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش قاله ابن هشام وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحج فمات فعكفوا على قبره ذكره البخاري قلت فلا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عباداتهم الصخرة التي كانت يلت السويق عليها باسمه يعني وعبادة قبره لما مات أما العزى فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف وكانت قريش يعظمونها وكان كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم قال رسول الله قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. Donc on va traduire jusqu'ici les paroles du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Donc il explique à propos du verset qu'on vient de mentionner que Al-Lat wa Al-Uzza wa Manat, c'est les trois grandes idoles que les gens de la péninsule, la région du Hijaz dans la péninsule arabe adoraient dans la Jahiliya. Et Al-Hijaz, c'est quelle partie? C'est la partie qui est sur le bord de la mer Rouge. Toute la partie qui longe la mer Rouge de l'Arabie, cette partie-là, on appelle Al-Hijaz. Parce qu'il y a des chaînes de montagnes tout le long. Et c'est pour cette raison qu'on appelle cette partie Al-Hijaz. Donc, Al-Hijaz, en général, aujourd'hui, quand on parle du Hijaz, on parle de la Mecque et Médine. Donc, c'est toute la région qui est sur la côte de la mer Rouge. Cette région-là, on appelle Al-Hijaz. Donc, les Arabes du Hijaz, dans la Jahiliya, eh bien, ils adoraient ces trois grandes idoles. Ils avaient beaucoup d'autres idoles aussi, mais les trois plus importantes, c'était Al-Lat, Wal-Uzza et Manat. Al-Lat, c'était une idole adoré par les gens de la région de Taif. Et c'est la tribu de Saqif. Et tous les Arabes qui étaient dans les environs, Saqif et les tribus environnantes, ils adoraient cette idole, Al-Lat. Al-Uzza, c'était l'idole que la tribu de Quraysh adorait. Quraysh, ils adoraient Al-Uzza, ainsi que Bani Kinana. Bani Kinana, ils adoraient Al-Uzza aussi. Et Manat, elle était adorée par Bani Hilal. Bani Hilal, comme Ibn Hisham a mentionné, il dit c'est la tribu de Hudayl et la tribu de Khuza'a. C'est eux qui adoraient Manat. Cheikh Al-Fawzan, il dit, donc, que les Bani Thaqif, Donc, c'est eux qui adoraient, comme on a dit, Al-Lat et les Arabes qui étaient aux alentours. Et en ce qui concerne Al-Lat, il dit قالوا اشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من اسم الله المنان. Donc, parmi les explications, ils ont dit que ils ont pris les noms de ces divinités-là ou de ces idoles à partir des noms d'Allah, qu'ils les ont féminisés, hein, ils les ont mis au féminin, puis ils les ont attribués à leurs idoles. Donc, par exemple, certains ont dit que Al-Lat, c'est un nom qui est dérivé du nom d'Allah. Al-Lat, qui vient de Allah. Et Al-Uzza, qui est dérivé de Al-Aziz, le Tout-Puissant. Et Manat, qui est dérivé de Al-Mannan, hein, celui qui octroie les faveurs. Donc Manat qui vient de Al-Mannan, qui est un des noms d'Allah. Donc ça, c'est une explication. Et il dit que, en ce qui concerne Al-Lat, donc ceux qui le lisent avec le tarfif du ta, et ça c'est la récitation de la majorité des récitateurs, hein, comme Ibn Abbas et Ibn Zubayr, Mujahid et Humayd, Abu Salih et Yaqub, eux ils ont lu avec Tashdid, Tashdid ta. Et il dit que en ce qui concerne la première lecture qui est avec le tarfif ta, ils ont dit que donc Al-Lat vient du nom de Al-Ilah ou bien Allah, et Al-Uzza vient de Al-Aziz. Il dit tandis que yani Ibn Kathir, il explique que Al-Lat c'était un rocher blanc, hein, un rocher blanc qui était yani sur lequel ils avaient construit une maison avec des rideaux. Ils ont mis comme des draperies autour, et il y avait des gens qui s'en occupaient de cette maison-là. Et autour de cette maison, ils avaient mis comme une barrière, et il y avait un espace vide, hein, entre la barrière et le rocher, et les gens, ils vénéraient cet espace-là, hein, parmi les habitants de Taif. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, à ce sujet-là, il dit, Mawqi'uha qaribun min masjid al-Abbas, lakin matmousun, la yu'araf, walhamdulillah. Donc il dit que l'endroit où cette idole-là était, à l'époque, c'est proche de où se trouve la mosquée Al-Abbas aujourd'hui. Il dit, sauf que bien entendu, elle a été détruite complètement, alhamdulillah, on ne sait pas où elle est. Donc ça, c'est juste une note, un exemple que le cheikh, il explique. Puis après, il dit que, donc, les habitants de Taif, c'était la tribu de Thaqif, hein, Banu Thaqif, et ceux qui les suivaient. Et ils prenaient de la fierté, hein, d'avoir cette idole-là. Et tous ceux qui étaient contre eux, hein, qui étaient leurs ennemis à l'époque, eh bien, eux, ils se vantaient contre leurs ennemis en disant, nous, on a, hein, cette idole, Al-Lat, et ainsi de suite. Donc, tous ceux qui étaient autour, ils avaient la fierté de leurs idoles. Ça, c'est Ibn Hisham qui a mentionné ça. Et en ce qui concerne la deuxième lecture, ceux qui lisent Al-Lat avec yani, At-Tashdid, eh bien, eux, ils disent que ça vient à l'at de Yalotto, Latta Yalotto, hein, avec le tajdid, yani, et ils disent que ça veut dire que c'était parce qu'il y avait un homme qui, à l'époque, il préparait de la nourriture pour les hujjaj. D'accord? Il préparait de la nourriture pour les hujjaj. Et quand il est mort, ils ont fait yani, à sa tombe un endroit, puis ils ont adoré sa tombe. Donc, certains ils expliquent que l'origine de Al-Lat serait donc la tombe d'un homme pieux qui faisait de la viande pour les Hujjaj ou de la nourriture pour les Hujjaj. Et ça a été rapporté par Al-Bukhari. C'est ça. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit: Huwa rajulun min as-salihin, kana yut'imu at-ta'am wa yalut as-sawiq lil-Hujjaj. وهم يعتقدون في الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون. Donc il dit que les mouchriquins à l'époque, hein, ils vénéraient les hommes pieux de cette façon. Donc si un homme pieux ou une personne pieuse qui était morte, il prenait sa tombe comme un lieu d'adoration. Donc il y en a qui disent que Al-Lat, c'était à l'origine de ça, puisque Yalutu As-Sawiq, il faisait de la nourriture pour les Hujjaj. Le cheikh, il dit, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux explications en réalité, hein, que de ce que l'imam al-Bukhari a mentionné et les autres aussi, du fait qu'ils adoraient un rocher blanc. Et en réalité, pourquoi? Parce que c'était cet homme pieux qui faisait de la nourriture pour les Hujjaj, il préparait cette nourriture-là sur ce rocher en même temps. Et c'est de là que vient justement. Ils ont appelé le rocher par son nom, Al-Lat. Et en même temps, ils adorent sa tombe, puisque c'est l'endroit, hein, c'est l'endroit où ils l'ont adoré quand il est mort. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني, pour commenter sur ça, il dit: La munafata bain al-qira'atayn, al-muhim annahum abaduha, imma li'annaha sakhra يتبركون بها أو لأنها قبر والمعنى المعنى واحد. Donc il dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux récitations, que ce soit avec le tashdid ou bien le tarfif pour le ta. Il dit pourquoi? Parce que dans les deux cas, ils l'ont adoré quand même, hein? Et ils ont pris ce rocher là pour chercher la bénédiction, hein? Et soit parce que c'était le rocher ou bien parce que c'était une tombe, et dans les deux cas la signification elle revient au même, hein? C'est du shirk quand même dans tous les deux cas. Et le cheikh il dit ensuite: wa amma al-'uzza qala ibn jarir kanat. Donc en ce qui concerne al-'uzza, ibn jarir al-tabari dans son tafsir il explique que c'était un arbre, hein? Al-Uzza, c'était un arbre, l'endroit où les mouchriquins adoraient, la tribu de Quraysh et de Bani Kinana, ils adoraient Al-Uzza, hein, à Mecca. Et le Cheikh Al-Fawzan, Abdurrahman ibn Hassan, il cite les paroles de Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir qui dit que c'était un arbre, Al-Uzza. Et il dit, ils ont bâti sur cet arbre des choses et ils ont mis des rideaux, hein, avec des palmiers. Et il dit que cet arbre était entre Mecca et Taif, l'endroit où se situait Al-Uzza. C'était entre Mecca et Taif. Et donc, les gens de Quraysh, ils vénéraient, hein, cet arbre. Et il dit, « Wa qala Abu Sufyan yawma Uhud » le jour de Uhud, la bataille d'Uhud, Abu Sufyan, il a mentionné justement Al-Uzza, avant de partir, il a crié ça. Il a dit, « Nous avons Al-Uzza, et vous n'avez pas d'Uzza. Hein? » Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Répondez-lui, Allah est notre maître et vous n'avez aucun protecteur, vous n'avez aucun maître. » Et donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit, yani, que l'endroit où se trouve où se trouvait l'idole de Al-Uzza, il dit, c'était dans une vallée. Il dit, fi wadin yusamma wadi nakhla, la yazaru bi hadha al-ism ila al-an bayna Makkah wa al-Ta'if. Donc il dit que c'était dans une vallée qu'on appelait le vallée de du palmier. Wadi Nakhla. Et il dit que l'endroit a toujours le même nom jusqu'à aujourd'hui. Et c'est entre Mecca et Taif sur le chemin de As-Sail. Et donc c'est ça. Et les gens de Quraysh, ils vénéraient cet arbre. Et en ce qui concerne la parole de Abu Sufyan, le Cheikh Al-Fawzan, il dit كان Abu Sufyan قبل أن يسلم يعني في غزوة أحد يعتز بالعزة فيقول لنا العزة ولا عزة لكم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يقولوا الله مولانا ولا مولى لكم فهذا فيه الرد على المشركين وعلى الأقوال الباطلة وأنه لا يسكت عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساكتا عندما قال أبو سفيان أفيكم أبو بكر أفيكم عمر أفيكم فلان أفيكم محمد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه فلما قال لنا العزة ولا عزة لكم أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسكت فهذا فيه دليل على وجوب رد الباطل وعدم السكوت عنه وقد يأتي رجل يمدح القبور والأضرحة ويهون من شأن التوحيد فلا يجوز السكوت عنه لأن هذا يلبس على الناس. Donc le cheikh il explique que Abu Sufyan, avant de se convertir à l'islam, parce qu'à la fin, plus tard il s'est converti à l'islam, alhamdulillah, mais à l'époque où il était encore avec les mushrikines dans la bataille de Uhud, il cherchait la fierté, hein, et il trouvait la fierté dans son idole Al-Uzza. Et il disait aux musulmans, à nous Al-Uzza, et vous n'avez aucune Uzza pour vous. Hein, pas de Uzza pour vous. Et Al-Uzza, ça vient de Al-Aziz, qui veut dire la fierté, la force. Hein. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ses compagnons de lui répondre. Et il a répondu lui-même, Allah est notre maître, hein, notre protecteur. Et vous n'avez rien. Vous n'avez pas de protecteur ni de maître. Et donc, il y a dans ça la réfutation des mouchriquines lorsqu'ils disent des paroles qui sont fausses et qu'on n'a pas le droit de se taire, hein, devant ces faussetés-là. Tandis que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est resté silencieux lorsque Abu Sufyan a dit, est-ce qu'il y a Abu Bakr parmi vous? Est-ce qu'il y a Omar parmi vous? Est-ce qu'un tel est là parmi vous? Est-ce que parmi vous, il y a le Mohammed est parmi vous? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne lui répondez pas. Mais lorsque Abu Sufyan a dit, à nous, Al-Uzza, et pas de Uzza pour vous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Répondez-lui hein? !» Et il lui a répondu, il ne s'est pas tué à ce moment-là. Et le cheikh, il a dit « Il y a dans ça la preuve de l'obligation de réfuter le faux et de ne pas se taire vis-à-vis de qu'est-ce qui est faux. » Et donc, il dit « S'il y a un homme qui vient et qui commence à glorifier les tombes et l'adoration des tombes et qui dénigre le tawhid, il dit « On n'a pas le droit de se taire à son sujet. » pour qu'il commence à confondre les gens dans leur religion et dans leur adoration. Donc ça, c'est un point important, ça. Quand il y a des gens qui disent des choses fausses et qui mentionnent des choses hein, contraires à la vérité sur Allah et sur sa religion et sur le tawhid, on n'a pas le droit de se taire. Hein? On n'a pas le droit de garder le silence puis de ne pas réfuter ces paroles-là. Il faut réfuter. Ensuite, le Cheikh il dit, وَمُنَسَبَتُ هَذِهِ الْآيَةِ Donc, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il parle du contexte de ce verset. Il dit, وَمُنَسَبَتُ هَذِهِ الْآيَةِ لِلْتَرْجَمَةِ أَنَّ عِبَادَةَ الْمُشْرِكِينَ لِلْعُزَّ وَالصَّخْرَةِ وَمَنَاتِ إِنَّمَا كَانَ بِالْتِفَاتِ الْقُلُوبِ رَهْبَةً إِلَيْهَا فِي حُصُولِ مَا يَرْجُونَ مِنْ بَرَكَتِهَا مِنْ نَفْعٍ أَوْ ضُرٍ فصارت أوثانا تعبد من دون الله وذلك من شدة ضلال أهل الكفر وفساد عقولهم كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فصار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين، وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه الأمة. Donc on va traduire ce passage. Le cheikh il explique que le contexte de la mention de ce verset dans ce chapitre, pourquoi, c'est quoi le lien entre le titre du chapitre et la mention de ce verset-là à propos de la, chercher la baraka ou la bénédiction des arbres et des pierres. C'est quoi le lien avec le verset? Eh bien, c'est qu'en en réalité, les mushrikines, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant l'islam, quand ils adoraient Allah, Al-Uzza wa Manat, eh bien, ils adoraient en réalité des objets, des rochers, des pierres, des arbres. Et ils cherchaient de ces choses-là une bénédiction. Ils cherchaient, en fait, à rattacher leur cœur autour de ces objets-là en désirant et en voulant obtenir et en souhaitant obtenir de celle-ci la bénédiction ou un bien quelconque ou de repousser un mal. Et c'est de là que justement elles sont devenues des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Et donc ça c'est à cause de la grande égarement des gens du kufr et de la corruption de leur raisonnement. Et comme ça, Allah Azza wa Jal, il mentionne justement à leur sujet dans le verset 18 dans Surat Yunus, ce qui signifie, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur profiter, ni leur nuire. Et ils disent, ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils disent, ceux-ci sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Donc, ils les adorent en dehors d'Allah, non pas en croyant qu'ils sont Allah ou égal à Allah, mais en croyant qu'ils peuvent nous rapprocher d'Allah ou être des intermédiaires pour nous auprès d'Allah. Et donc, c'est ainsi que l'adoration des tombes et l'adoration des arbres et des pierres, eh bien, c'était en réalité l'adoration des mushrikines de l'époque de la Jahiliya. Et on a vu dans les derniers temps dans cette Ummah, des gens qui font des formes de shirk qui sont plus graves encore que ce que faisaient les mushrikines de l'époque pré-islamique. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait quelques commentaires sur ce passage-là. Il explique par rapport à l'adoration des mushrikines. Il dit « Wa hada huwa al-ibada » ميل القلوب إلى المخلوقات واعتقاد أنها تنفع أو تضر وإن لم يسمها عبادة وهذا المتعلق به إله وإن لم يسمه إلها لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. Donc ça c'est un point extrêmement important qui fait que si quelqu'un n'a pas compris, il risque de tomber dans le shirk. Et il risque de ne pas comprendre ou de ne pas distinguer ce qui est le shirk de ce qui n'en est pas. Et ici, le shirk explique donc que le fait que ces gens-là, leur cœur était rattaché à ces arbres, à ces pierres, à ces idoles, et qu'ils espéraient de ces idoles et qu'ils souhaitaient de ces idoles la bénédiction ou de ramener un bienfait ou de repousser un mal quelconque, il dit le cheikh, c'est ça la base de l'adoration. Le fait que les cœurs penchent vers des créatures en croyant que ces créatures-là peuvent nous profiter ou nous repousser un mal quelconque. Et même si quelqu'un ne dit pas ou n'appelle pas ça une adoration, ça reste que c'est une adoration quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser tromper par les appellations. Je me rappellerai tout le temps quand j'ai rencontré, quand j'ai parlé avec un catholique une fois, et que je lui mentionnais justement que les catholiques adoraient les saints, et les images, et les statues dans les églises. Et lui, il m'a dit, non, ça c'est pas de l'adoration. Il dit, on les vénère, on les aime, mais on les adore pas. Donc, tu remplaces le mot adorer par le mot aimer, et tu dis non, c'est pas de l'adoration, c'est la même chose. Tu changes seulement le nom. Hein? Et le fait de changer le nom, ça ne change pas la réalité. Hein? Donc, si tu dis, par exemple, comme les gens ils disent, je bois pas... Si tu, quelqu'un, tu le vois en train de boire une sorte d'alcool, il dit, non, ça, c'est pas de l'alcool, c'est un spiritueux. Hein? Tu vas dire, parce que tu l'appelles spiritueux, ça, c'est plus de l'alcool? Non, c'est de l'alcool. Même si tu changes le nom, ça reste quand même la réalité, c'est de l'alcool. Donc, tu dis... non, j'adore pas les tombes, je les respecte, ou je les honore, ou je les aime, je montre mon amour pour les tombes. Mais c'est une autre façon pour détourner la réalité, pour essayer de faire croire que c'est pas de l'adoration, sauf que la réalité de ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que signifie l'adoration. C'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans son livre Kashf al-Shubuhat, quand il fait l'explication comment pour argumenter avec les mouchriquins, il mentionne tout le temps, il dit, demandez-leur qu'est-ce que ça signifie l'adoration, qu'est-ce que c'est l'adoration que Allah a ordonné, hein, de l'expliquer, de le définir. Et quand tu vois que ces gens-là, ils ne savent pas l'expliquer, eh bien, c'est là que tu comprends que ces gens-là, en réalité, ils ne connaissent pas la réalité de l'adoration. Puisqu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'adoration, ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'est le shirk aussi. Et c'est pour cette raison-là qu'ils font le shirk et ils ne réalisent pas que ce qu'ils font, parfois, c'est du shirk. Nasallallah al-afiyah. Et ensuite, le shirk explique, il dit que la personne qui accroche son cœur à quelque chose, eh bien, la chose... la chose à laquelle il accroche son cœur, c'est une divinité pour lui, même s'il ne l'appelle pas une divinité. Hein? Donc, par exemple, si quelqu'un, il prie à une tombe et il accroche son cœur à cette tombe en mettant son espoir en cette tombe, en pensant qu'elle peut ramener un bien ou repousser un mal, puis quand tu lui dis, ben ça c'est ton Dieu, hein, il va pas dire, oui c'est mon Dieu. Non, ils vont dire, non, ça c'est pas mon Dieu, ça c'est juste un homme pieux, un wali. Hein? Il est un intermédiaire pour moi, pour me rapprocher d'Allah. Hein? Et il n'a rien créé. Mais n'empêche que, même si tu ne l'appelles pas une divinité, même si tu ne l'appelles pas un Dieu, tu agis envers cette créature-là comme on devrait uniquement agir envers Allah. C'est-à-dire, hein, de mettre notre espoir... De penser que cette chose-là peut nous profiter ou peut nous nuire en dehors d'Allah, ça c'est. Hein, ça veut dire que tu l'as pris pour une divinité. Ça veut dire que tu l'adores en dehors d'Allah. Et ça c'est du shirk. Donc il ne faut pas se laisser tromper par les noms, mais il faut revenir aux réalités des choses pour comprendre ce qu'elles sont. Et comme ça par la suite, peu importe comment les gens peuvent jouer avec les mots ou jouer avec les noms pour essayer de nous faire... À accepter des choses fausses, on va pas se laisser tromper parce qu'on comprend la signification. On revient au terme. Et ça c'est un problème qui revient tout le temps à notre époque. Quand des gens ils jouent avec les mots, hein, quand tu joues avec les mots, tu peux essayer de faire accepter aux gens qu'est-ce qui est faux et de faire rejeter aux gens ce qui est vrai. Quand tu déformes les réalités et que tu joues avec les noms, hein, c'est comme quand ils disent aujourd'hui, les koufars, quand ils disent, on n'est pas contre les musulmans, on est contre les islamistes. Puis quand tu leur demandes, mais c'est quoi la différence, et c'est quoi la définition, et là ils te donnent une définition, mais si tu leur dis, oui, mais c'est qu'est-ce que vous mentionnez comme exemple par rapport à ça, eh bien ça c'est mentionné dans le Coran. Les musulmans, ils doivent croire à ça. Donc, si ça fait partie de ce en quoi le Coran nous a ordonné de croire, et que vous dites que ceux qui font ça, par exemple, c'est des islamistes, alors ça veut dire que vous êtes en train de, hein, d'appliquer un jugement qui s'applique à tous les musulmans, et vous excluez les musulmans de cette chose-là, alors que ça fait partie de l'islam. Donc on voit que comment ces gens-là, ils jouent. Là, ils disent, bon, si une fille, elle porte le hijab, c'est une islamiste. Alors que le hijab, il est ordonné par Allah dans le Coran. Et il est mentionné dans la sunna. Et c'est obligatoire dans l'islam. Donc ça n'a rien à voir avec l'islamisme. Donc pourquoi vouloir interdire ça? Donc tout ça, c'est des exemples, comment ils jouent avec les noms, les mots et les noms. Donc nous, on se réfère aux réalités, aux références, aux preuves, aux explications, et non pas à des termes qui sont inventés et qui sont vides de sens. Et après, on ne comprend plus de quoi on parle. Donc ça, c'est très important de comprendre la réalité de l'ibada, qu'est-ce que c'est? La réalité du shirk, qu'est-ce que c'est? La réalité du tawhid, qu'est-ce que ça signifie? La réalité de l'islam, qu'est-ce que c'est l'islam? La réalité de l'iman, qu'est-ce que c'est l'iman? Avec les preuves du Coran et de la Sunna, pas les définitions philosophiques qu'un individu a inventées des siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a défini la foi selon telle façon, ou l'islam selon telle façon, ou peu importe quel autre terme, le shirk selon telle façon. Ça, c'est pas des définitions qui sont basées sur la preuve, sur la révélation. C'est des définitions philosophiques qui ont été inventées par des hommes. Donc nous, on ne doit pas se référer à ces définitions-là. Pour définir les choses, il faut revenir au verset et au hadith. Et c'est ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a fait dans son livre Kitab al-Tawhid. Le livre au complet, c'est en fait un livre qui a été mentionné, dans lequel il a mentionné les preuves pour définir le Tawhid et expliquer ce que c'est. Sans aucune référence ou interprétation basée sur de la philosophie. Tout ce qu'il a mentionné, c'est basé sur des versets et des hadiths et yani, les paroles des sahaba. Aucune parole vient de lui-même dans ce livre-là. Il n'a même pas, à part les titres des chapitres, il n'y a aucune parole qui vient de lui dans ce livre. Et c'est comme ça que les ulama, ils écrivent. Comme l'imam al-Bukhari, et l'imam muslim, et tous les grands ulama de la sunna, quand ils écrivent des livres, ils rapportent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les versets d'Allah, et il n'y a presque pas de paroles d'eux, excepté peut-être les titres ou quelques commentaires, mais c'est vraiment le minimum possible. Parce qu'ils ne veulent pas laisser leurs propres paroles dans la compréhension de la religion. Ils veulent laisser la parole à Allah et la parole à son messager, parce que c'est eux qui, parce que c'est Allah qui a révélé cette religion, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a transmis, et c'est les sahaba qui l'ont compris et qui nous l'ont partagé par la suite. Donc ça, c'est la référence pour nous. Ensuite, le cheikh, il mentionne les exemples de shirk qui sont apparus par la suite. Quand on dit par la suite, c'est-à-dire plus tard dans la umma. Et il donne ça comme exemple. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, يعني, من عبادتي القبور والأضرحة جرى ما هو أشد مما كان عليه المشركون بحجة أن هذا من التوسل واتخاذ الشفعاء عند الله لا من أجل عبادتهم يقولون ما نعبدهم ولكننا نتوسل بهم لأنهم صالحون فهم يقربوننا إلى الله. Donc ça, c'est exactement le même argument comme le cheikh il dit ici. Il dit, ces gens-là, ils adorent les tombes, ils adorent les tombeaux, ils adorent les morts, et ils font des formes de shirk qui sont même parfois plus graves que ce que faisaient les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis ils utilisent comme argument que ce n'est pas du shirk, que c'est seulement une forme de tawassul. C'est-à-dire, on cherche un intermédiaire pour se rapprocher d'Allah, c'est un moyen pour se rapprocher d'Allah, non pas pour adorer ces hommes pieux-là, ou ces tombes, ou ces morts, mais seulement comme intermédiaire. Et c'est exactement l'argument que utilisaient les mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disaient, on les adore pas, c'est juste pour qu'ils nous rapprochent plus d'Allah. Et Allah, il dit ça dans plusieurs versets dans le Coran. Donc, on va y revenir de toute façon.